maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Planet Rap reçoit MZ. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap MZ, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec l'MZ. Ouais. Messieurs, en pleine forme. Toujours là. Et toi? Tout va bien? Bah écoute, pas mal aussi. Ouais, j'ai vu ça. On est bien pendant une heure à c'est passer. C'est même chaud pour taper des pâtes zouglou ici. Là. Hein? Des pâtes zouglou? Non. Non, mais par contre, j'en ai fait hier après l'émission d'hier soir où on a fini. Ouais, carrément. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai les réserve en cercle très privé. Pas mal. très privé. Pas mal. Bon, tout va bien donc pour. On est à quoi? 4 jours maintenant de la sortie, ouais, ça y est, affaire de famille. 4 mai dans les bacs. Ça va, vous êtes bien détendu, voilà, vous êtes content du taf. On est de bonne humeur avec un peu de pression, mais ça va. C'est vrai, il y a un peu de pression bien. Quand même, toujours un petit peu. Toujours, on est obligé d'avoir de la pression. Quand tu taffes pour quelque chose et que tu vas le proposer aux gens, bah t'es obligé d'avoir un peu de pression. Donc même c'est quoi si c'est... Ce que t'as fait est de qualité. Donc c'est quoi? C'est se dire est-ce que ça va être bien reçu? Mais j'arrive à dormir aussi. Ça va beaucoup? Ouais, ça va, on est de bonne humeur. Oui, bah très bien, on est parti pour une nouvelle soirée. Que va-t-il se passer ce soir? Donc un titre inédit. Voilà, un titre inédit. 357. Qui est issu de Affaire de famille le 4 mai. Ouais. Avec le freestyle de Chiche et de Marlo qui sont issus de la dictature, l'école Davidson présente. Qu'ils étaient sur le morceau Wesh les puristes qui est sorti lundi 27 avec Marlo. Et hier, Chiche, Ma Substance. Très bien, donc deux beaux clips qu'on peut retrouver sur la chaîne MZ Vivo. Mm-hmm. Ma Substance qui a été fait par Jules Gondrax et toute l'équipe PTPF. C'est le clip qui est arrivé hier soir, ouais, celui-ci. Voilà. Et le clip d'hier soir, c'est TBMA des mecs de Toulouse. Ma Substance, Chiche. Ils nous ont fabriqué quelque chose de beau. Et donc du freestyle à pas louper tout à l'heure, du live, et pour débuter comme chaque soir. Gros live, je suis un menteur. Tu es un menteur. Je suis un menteur aussi réalisé par tous des mythos. Il est Kevin Alamrani dans les locaux, il est là, le réalisateur du clip. Tu vois? Ah, il est là. Un petit shout out. Si. Et bah coup d'envoi de ce Planet Trap, c'est parti. T'as capté. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. Tu sais que j'aime pas te voir dans cet état. J'ai pas de choix sur moi. En plus t'es pas belle comme ça. Ton maquillage dégouline sur ton visage. T'as cherché, t'as trouvé en fouillant dans mon téléphone. T'es tombé sur les messages d'Alicia, Katia, etc. Maintenant t'as l'impression de faire une chute de cet étage. Autour de toi, le monde s'écroule. J'ai l'air d'un con mais j'essaie de rester cool. Aucun de tes ex n'a pris aussi soin de toi. Aucun t'a baisé comme moi. Aucun de ses couples n'est aussi mignon que nous. Et si tu pars, j'espère que tu reviendras. Garde-moi une place dans ton cœur, je te garde une soumettra. Au pire des cas, je penserai à toi. Dans les bras d'une autre meuf, la vie est belle, la mort est proche. Et l'amour est une épreuve. Affaire de famille, le 4 mai dans les bacs. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. L'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. M'appelle, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Ouais je sais, je suis un bâtard, mes parents n'étaient pas mariés. Mais veux-tu coucher avec moi? Viens on se fait la guerre pour mieux se faire l'amour. Peut-être que ce sera l'une des dernières fois. Trois bacs au doigt pour mes ennemis, t'as visé l'annulaire. Garde la foi. Je suis pas le tocard de tes morceaux de souk. J'suis plus rusé que les tocards de tes morceaux de souk. Regarde pas mon portable, il est méchant, mais il te fait des bisous. Je lève jamais la main sur une femme. Je mets en i le missile, en i le missile. Deux, trois cheveux coincés dans le calbar. Là, je suis sorti d'un homicide. Quel bon homicide. On en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et MZ a peur de famille le 4 mai. Parce que je suis un menteur. Ce soir, je dormirai seul. Chez nous, l'amour n'a pas de cœur. Bébé, l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. On est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. Je suis chez le poteau, qu'est-ce que tu me dis? C'était la voix de sa petite cousine. Je suis le roi des abrutis. Je me suis encore fait attraper ce coup-ci. No stress, retourne au monde de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. J'ai déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer. Trop serein ici, c'est moi qui gère. Demande d'amour autour d'un resto. On se fait l'amour, on se fait la guerre. Ça peut aller très vite à cause d'un texto. Par contre, toi, si tu me trompes, je te casse la gueule. Je rigole, je m'en bats les couilles, j'en sers une autre. En vrai, il n'y a pas que des menteurs. De me feront du dégât parano. MZ, je suis un menteur à l'instant. Ouais, ouais, ouais. Avec un message de Méline qui est arrivé en disant magnifique chanson, c'est bien la vérité. Quelqu'un qui vous connaît, Méline, a priori. Ah. On se connaît, on se connaît peut-être. Ah. Ah. Elle doit sûrement connaître des menteurs. Ouais, certainement, ouais. Ouais, elle sait que le morceau, il est vraiment vrai. Mmh. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Il est écrit par une sacrée équipe de menteurs, justement. Ouais. Ah ouais, laisse tomber. Mais toi, j'ai remarqué, tu nous traites trop de menteurs. Bah, on va t'appeler menteur, nous aussi. Un peu. Bah ouais, non, bah allez-y. Hein. Ouais, vas-y, on est tous des menteurs. Maintenant, on va tous appeler menteur 1, menteur 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un extrait en tout cas de l'album qui sort lundi dans les bacs. Des gens voilà. Précommandent. Fort de famille. Des gens précommandent sur les plateformes iTunes. De téléchargement légal. Et aussi, il y a comme on a dit, les 500. Ah, mais c'est bien de le rappeler justement, parce que ça, vous avez dédicacé 500 albums. 500 albums, ouais. qu'on peut commander sur nos réseaux sociaux. On les commande et dans les 500, c'est des albums dédicacés avec une casquette, les clips détaillés, il y a plein de choses. Et 5 personnes. Et ouais, c'est vrai, il y a 5 personnes. Tirage au sort, donc par la MZ. Parmi les 500, il y en a 5. On vient chez vous. Enfin, mon gars veut manger du poulet massalé, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, on dit que c'est du cabri massalé à La Réunion. Il y a même du bœuf massalé, mon frère. Bon, en tout cas, vous vous déplacez partout dans le monde entier. Hein, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent récupérer l'album. Sauf en Corée du Nord pour moi. Oui, pour l'instant. Voilà. Ça peut changer. Je répète. Allez-y, si vous voulez récupérer ça. Par contre, pour les 500 albums dédicacés, c'est uniquement sur le site, hein, c'est ça? Ouais, c'est sur le site. Ou via les réseaux sociaux. Il y a les réseaux, il y a le lien. Tu vois, il est trop long et moi. HTTPP, les trucs comme. Vous tapez MZ officiel, vous allez trouver MZ forcément. MZ officiel, MZ Group, deux fois MZ Group pour Instagram, Twitter et pour MZ, le Facebook, MZ officiel. Parce qu'il faut pas oublier, franchement, parce que c'est l'album de l'année, frère, tu sais. Ah, ben j'ai. Non, sais, en même temps, on est au mois de mai, donc il reste encore une. Tu sais. Il peut y avoir des surprises d'ici la fin de l'année. Des surprises, mais tranquille. On a mis tu vois, quand tu frappes fort sur la table elle est déjà cassée. Est-ce que vous êtes justement en compétition? Vous êtes, c'est de la compétition le rap pour vous? Mais toujours, dans toujours. La vie de tous les jours c'est une compétition. Mmh. La vie de tous les jours c'est une compétition. Si tu te lèves le matin et que tu es en compétition avec personne, Et bah tu te recouches. Tu dors, bah oui. Même les premiers sont toujours en compétition. De fou. Ah oui. Donc là vous rentrez dans la compétition. Voilà. Avec ce projet Affaire de famille qui sort donc lundi. Et qu'on découvre avec un titre inédit qui s'appelle ce soir. Avec Davidson. Là, 357. Ouais, ce soir 357. Pour l'instant, on va le garder plus tard. Ouais, tranquille. Ça, c'est, tu vois, faut que les gens se préparent, tu vois. Tranquille. Prends une petite douche ou genre en écoutant. Certains se roulent un petit, certains se serrent un petit, tu vois. T'as capté. Mais après, 3, 5, 7, ça. Avec modération, avec genre, modération. Toujours. Avec modération. Dans quel morceau on met alors maintenant? On fait quoi? Un petit retour en arrière dans la carrière de l'NZ? Là, on va mettre avec Davidson. On va faire des. Toi, comme on t'a dit, dans le label Davidson présente, La Dictature, il y a la MZ, mais il y a aussi Marlo. Il y a aussi Zaina, il y a aussi Mallory, et là il y a Chiche. Chiche qui est là avec nous. Voilà, donc bonsoir Fred. Ça va bien Chiche? Tu m'as vu sans me voir. T'es là en même temps tous les soirs de la semaine. Hein. Exactement. Ouais. Tu vois, ça veut dire la MZ, moi, sur les plateaux comme ça, me donne de la force. C'est-à-dire pour mon projet, tu vois. Là, je prépare mon projet. J'ai sorti, un avant-goût sénégalais. Ils peuvent le retrouver sur YouTube. Sénégalais, Chiche, tu vois. Donc le morceau, c'est sénégalais, ouais. Ouais, sénégalais. C'est une petite présentation. Petite présentation. Je suis sénégalais. Sénégalais. Et tu t'appelles Chiche. Voilà. Et je m'appelle Chiche. Mais ouais, si les gens veulent te découvrir aussi, un petit CV express de toi, Chiche, toi tu viens d'où? C'est Paris. Le petit CV, on va dire, moi je viens de Paris. Chevalerie. Donc ça c'est Percy aussi, ouais. C'est le même quartier. On va dire on est une génération. Je suis une génération au-dessus. Après voilà, après Davidson présente, j'y suis depuis 2009. Tu vois. Vous avez pu le découvrir dans Panique pas. Dans la MZ Music Volume 3. Parlons pas d'amour, j'ai fait cramé. Big up à Pata Bouvgang qui réalise les clips et qui a réalisé aussi le comment clip. Comment il s'appelle? Pata Bouvgang. Ah bah. il est là. Et bon, relax. Salut le Pata Bouvgang. Ouais, voilà. Et il a réalisé le clip avec Davidson qui va sortir prochainement. En gros, ce clip, pour le décrire vite fait aux auditeurs, c'est la guerre avec Davidson. On est avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Là, en gros, je dis je suis avec lui, mais c'est lui qui est plus avec moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire avec Davidson. Tu vois, nous, on a toujours roulé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui le manager, c'est le coach. C'est le mentor. Voilà. Il est là, il nous donne de la force tous les jours. C'est-à-dire, moi, en gros... j'arrive, on va dire là, on peut dire que c'est mon entrée dans le rap. J'arrive et je vous laisse écouter. Et ben on va écouter donc le morceau qu'on va balancer maintenant. Et on salue aussi donc Davidson qui est là, qui est derrière les platines ce soir. Parce que Davidson, c'est un titre suisse. Chiche volume 1 en automne 2015. On prépare ça doucement. Et donc, ça, c'est ce morceau à découvrir tout de suite. Chiche. C'est sur Skyrock. Affaire de famille le 4 mai dans les bacs. Chiche volume 1 aussi. Là, c'est chaud. J'suis dans la street avec Davidson. On cherche du fric, mais gros, faut que j'en additionne. J'aime ces toffiques, braco, BJ Boy. Y'a pas que les blondes qu'on prend pour des codes. Yo, chiche, je ne veux pas d'invités. Ce sera français Libertas qui revendique la russe mélange aux prostituées. On s'y est habitué. Donc y'a plus de pitié. Ton rappeur préféré vient de se faire forer, vient de se faire destituer. Pas d'animosité, encore moins d'amitié. C'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent de mon Aphrodite. Tu n'es pas syndiqué, donc fais les choses mais ne parle pas. Zox avait indiqué, eux sont tombés dans la gueule. On y va. On allait braquer au moins une fois par semaine. Retourne ta fée, mais pourquoi tu te mets? Je voulais m'évader de la prison par moi. Ce n'était pas ma meuf, mais la suite qui m'a dit. J'suis dans la street, avec Davidson. On cherche du fric, négro, vos gens n'indicieux. Y'a des basics, l'équipe de Boulogne. Eh, le 4 mai, LZ, affaire de famille, négro. Vos gens n'indicieux. J'suis dans la street, je. J'suis dans la street, je. J'suis dans la street, je. Deux trois pétasses avec toi, les thunes avec moi, Velclash avec moi, 1, 2, 3, allez compte avec moi, On en a rien à foutre, ça vient du Sénégal. Aïe. Si t'es venu faire la pute, me parle pas de ton paille. Aïe. J'suis dans la street depuis l'époque de Polo. Rentre pas dans les détails, j'prends le lot. Même un hash qui manque pas, j'bois de l'eau. C'est trop hardcore, demande à Pololo. Pololo n'est pas les langues de pute. J'ai jamais baissé mon fut. Les maisons disent qu'on pute. Donc ferme ta gueule, exécution. On sait qui est qui, nous c'est chevalerie, pas besoin de dire les noms. Loulou t'es trop vif, mais comme pour un flic arrêter le pilon. Même Rabat, on a continué notre escapade. On est venu d'en bas en escalade pendant qu'ils vous racontaient des salades. On y va. On

mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Nekfeu à l'instant du groupe 1995, ce sera plus tard lui au mois de juin à la sortie de son album On verra, découvert à l'instant sur Skyrock. Aimerait que vous l'avez passé aussi tout à l'heure entre 16h et 20h. La MZ, ouais, toujours là. Affaire de famille avec nous. Et donc, on peut dire que c'est donc affaire de famille ce soir, parce que il y a Chiche qui est là, il y a aussi Marlo qui est là. Il y a Zaina, il y a Mallory, il y a la famille, il y a tous les supporters. Il y a Dan, il y a Jico. Il y a que ceux, tu sais. Renoir Barksdale, on est là. Tout le monde est là. Y a pas tout le monde, mais voilà, on est en famille, quoi. Bon, il y a du monde. Et puis on salue aussi, donc, on disait votre quartier Chevaleret, du côté de Paris, ouais. Chevaleret, passage. Passage. BG. Voilà. Ça, c'est la zone, ça. Pour tous ceux qui nous écoutent là-bas, c'est le bendo. Voilà. Le bendo. Sache pas. Tu vois Danos, il fume sa chicha. Un guetteur. Voilà. M6, ils viennent, ils le voient comme un guetteur. Ils sont passés aussi M6 chez vous ou pas? Non, tranquille. Ou pas encore. Ils sont passés nulle part. Zap. Ah, c'était pas intéressant. MZ Affaires de Famille, on mettra quoi comme morceau, messieurs, dans quelques minutes? Dans quelques minutes, on va mettre un morceau de Jesse Jess qui s'appelle Jeune Abu Dhabi Galactic S. Donc Jesse Jess, Jeune à Grenoble. Gros big up à lui. Big up. Et ça, c'est alors, c'est un projet qu'on trouve où alors celui-ci? Ça, c'est Face B. Non, même pas. Ça, c'est un projet qui va sortir de CJS. Et d'ailleurs, même ce vendredi à 20h, il sort un clip. Le clip. Tu vas le délire ou pas? C'est ça. Et il arrive fort. Il arrive très fort. Et bon, on l'écoutera donc. Le morceau s'appelle Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Il t'explique pourquoi. Il t'explique pourquoi il s'appelle. Tu vas capter. Tu vas poser sur le turf. Rien qu'on croquer la mif. Tu vois ce que je veux dire? Sur le turf. Voilà. Et ben ça arrive dans un instant. Vous attention. Freestyle par téléphone avec la MZ41759 pour les inscriptions. Le hashtag c'est MZ sur Skyrock. Ah ouais. Balancez des messages. Comme on balance aussi des morceaux depuis le début de semaine, dites-nous vos morceaux préférés. Les gens qui redemandaient à ce qu'on passe justement dans le bendo tout à l'heure, j'ai vu. Il y avait quelques demandes. Donc n'hésitez pas à proposer à la MZ. On revient juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit MZ pendant une heure complète ce soir. Planet Rap MZ. C'est la MZ. What 9 toujours là. Avec Jesse Jess. Jesse Jess. C'est là que c'est chaud. Ouais, Grenoble, c'est comment? Jinx Remix, hors série. Tu vois les bails. Turn up. Maniac à fond de la maille. Maniac à fond de la maille, maille d'Abist. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Violet, jaune, vert, Niaga, je veux du bif. Je veux du bif. Posé sous le turf, rien qu'on fait croquer la mif. Croquer la mif. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Gérer la dope dans les blocs. Gérer la dope dans les blocs. Maniaga cuisine la dope. S'il y a les keufs, on les fuck. On a ce truc qui fait boum. J'envoie ce truc qui fait boum. J'suis dans les temps. Tu peux t'en jailler. Maniaga sont dans ses bails. Bye. Maniaga sont dans ses bails. Bye. Dabis. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jesse. Niaga, je veux du bif. Je veux du bif. Posé sous le turf, rien qu'on fait croquer la mif. Croquer la mif. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Galactic S. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Flipper les mecs ont des boules. Flipper les mecs ont des boules. Family, mon industrie. Que des lovés dans la fouille. Je viens pour toucher la foule. Si t'as besoin d'une ampoule. Je suis dans les temps. Tu peux t'en jailler. Wesh nous. On ferme à inverse. C'est comment? C'est quoi le délire? Au troisième étage. Dabis. Il m'appelle Jeune Abu Dhabi. Jeune Abu Dhabi. Il m'appelle John Abu Dhabi. Violet, jaune, vert, Niaga, je veux du bif. Je veux du bif. Posé sur le teuf, rien qu'on fait croquer la mif. Croquer la mif. John Abu Dhabi, il m'appelle John Abu Dhabi. John Abu Dhabi, il m'appelle John Abu Dhabi. Wesh, Cagreux, TCR Villeneuve, la Baja, SMH, Yaya. Vert, Niaga, je veux du bif. Je veux du bif. Jay. Sur le turf, rien qu'on fait croquer la mif. Croquer la mif. John Abu Dhabi, il m'appelle John Abu Dhabi. John Abu Dhabi, il m'appelle John Abu Dhabi. MZ le 4 mai, affaire de famille, négro. Donc c'est Jesse, Jess qu'on écoute à l'instant. Ouais, ouais. Ouais. À préciser que demain il y a un clip qui sort, t'as le 1er mai. Donc y a demain qui sort. Demain à 20h, c'est ça. Voilà. Un clip de Jesse Jess. Tain, ça s'écrit T-I-N. Et le morceau à l'instant c'était Jeune Abu Dhabi. Voilà. Sur ce qui est... Ah bah il y a des filles qui rigolent, c'est bien. Ouais, c'est les sistas. Ouais, t'as vu les sistas, mais regarde les sistas quand elles sont entrées, elles parlent et tout. Ouais, laisse tomber, elle veut pas respecter les sistas. La même. Les sistas. Eh Fred, on t'a parlé de FC Gobelin la dernière fois. Oui. Il y a même des footballeuses d'FC Gobelin. Ah ouais, laisse tomber. Elles sont là. Pourquoi quoi qu'elles sont filmées, mais vous n'êtes pas filmées. Là, vous vous tournez directement vers la caméra. Ah là là, elles sont pas malines. Et il y a le coach Yves aussi, il est là. C'est notre coach à moi, Marleux et Demo. C'est bien, on salue le FC Gobelin une fois de plus. Aïe. FC Gobelin avec nous représenté donc ce soir avec le coach, avec des joueuses du FC Gobelin. Voilà. Et puis tous ceux qui sont passés aussi, qui font partie de cette équipe ou à un moment ou à un autre, vous avez évolué. Ouais, on a évolué. Bon, certains d'autres niveaux. Voilà. On est carrément passé du foot au rap. Il faut pas oublier aussi, je tiens à signaler. L'ambiance des vestiaires un peu plus enfumée avec le rap. Hein, là, ça va être en fumée aussi le 14 aussi, à Lille. 14 mai ? Ouais, le 14 mai, on est à Lille. Ça va être en fumée grave comme dans les vestiaires du Stade de France. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça va être chaud. Il y a toujours un prix commande un MZ affaire de famille, toujours en précommande. Ça sort le 4 mai, mais là c'est en précommande sur les plateformes de téléchargement légal. Et c'est lourd. Et le freestyle par téléphone, j'espère aussi, va être lourd. Du côté de Lunel, on rejoint, c'est G. G. C'est ça. C'est G. Ok, bienvenue G, ça va? Ça va, et vous? Ça va, eh ben, écoute, bien tout le monde. Est-ce que tu supportes la MZ à Lunel là, dans le 34? Ouais, carrément. T'es un bon G. Ici, ça écoute, hein. Si, lourd, on est connecté alors. Et bah c'est parti, toi c'est l'heure du freestyle par téléphone. Allez. C'est parti mon pote. Vas-y, au revoir. 1, oh. TDJY, vas-y bouge la tête. 1, TDJY, vas-y bouge la tête et laisse faire. Oui, laisse faire. 1, laisse faire. Est-ce que quand on voyait espère, je testais 2-3 intrus. Et j'ai niqué 2-3 intrus sans le faire exprès. On fera de l'espèce, espèce de fou. C'est pas ça qui nous contrôle, on restera debout. Même en perdant le contrôle, tu fais de toi un pétain. Tu me détestes, hein, mais tu vois plus de destin. Tu peux nous tester, hein, non, ne teste pas. Te prends, mais m'empêche pas. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression, t'as la pression. Quand t'es l'inspiration, quand ta respiration, tu poses des donc tu vas poser un tri dans le cul. T'es petit, quand je suis un, quand penses-tu, hein. Ouais, qu'on se pose, hein. Mais qu'on se pose dès qu'on peut faire un service. On se pose dès qu'on peut faire un cœur dans tout dire. On se pose pour décompresser. Tout le temps on est pressé pour se poser. Entre photos pour un jeu de cartes. Et si t'es chaud dans la guitare, hein. Après si la mélodie kiffe ta vie. Oh, jamais ralenti ma gueule vite ta vie. Tu seras beaucoup plus souriant. Si tu te poses pas qu'on est baignant. C'est qu'on ne se posait doser. Pourtant on n'est pas des marteaux. Mais qu'on se pose en pose, y'a des coups partout. Est-ce qu'on en fait partie? De leur part tous, on ne fait pas partie, hein. C'est du Y, parce que bouge la tête, ouais. Voilà, j'ai à l'instant exposé. Du côté de Lunel, merci à toi. On peut te retrouver sur le net quelque part. Vas-y, balance toutes les infos. Là, j'ai rien encore sur le net, mais peut-être bientôt, un jour, hein, peut-être. Ah bah, on l'espère, hein. Un jour, peut-être. Okay. Ah bah, c'est tout début, hein, voilà, c'est comme ça. Eh bah, bon courage à toi pour la suite, en tout cas. Big up à tout le monde, la MZN, tout ça. Merci, et merci, Style. Ah, lourd. Et merci à toi, G. C'est lourd. Bon courage pour la suite à l'instant. La MZ avec nous entre 20 et 21. Ouais, toujours. Avant de passer justement à Vente Live, est-ce qu'on met un morceau de la MZ? Allez, 357. Ah, c'est le titre inédit maintenant là, 357. À la fin. On va quand même. De toute façon, il y a Davidson qui est. Alors, il y a le freestyle, c'est ça? C'est freestyle? Ok, freestyle. On y va. Et ben, on y va maintenant. Donc, c'est qui, MZ au freestyle? Non, c'est Marlo et Chiche. Chiche et Marlo. Chiche et Marlo, maintenant en live. Je vais lever, moi. Je suis obligé, là. C'est Marlo Pétasse. Check. Chaque jour que je fais ma BR devient encore plus bonne. Chaque jour que je fais ma Janjou devient encore plus bonne. Chaque jour que je fais, je bois de la codéine comme un ivrogne. Chaque jour que je fais, je ne fais que de penser à des grosses sommes. C'est donnant, donnant, je roule bien mon joint, il me défonce, je lui bouffe la chatte. Elle me pépon, je veux de l'oseille, je vais au charbon, pas besoin de somnifère, juste de le fond. Oui c'est le fond pour ces jeunes rappeurs. Oui c'est le fond, j'ai le nom de ta sœur. Fais pas le con, j'ai les vibros ma sœur. Je veux une femme gangster comme Cookie. Arrogant, je le suis comme Hakim. Négro, je suis jeune, beau gosse, jeune bim. Je veux acquérir quelques jeunes bitches pour les transformer en bad bitch. Pour les transformer en shit. Des as, aka Biggie. Des as, Marlo, aka Didi. Cette pétasse suce mon gars comme un bonbon. Davidson présente ma fée fiance con. Je me dois de tout niquer, trop des nœuds. Donc je marche broliqué, la relève c'est fait lapider. Après c'est bien, entre sucer sur planète ou sur bouscapé. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Fume ton joint, négro. Chaque jour que je fais, ma BR devient encore plus bonne. Chaque jour que je fais, ma Janjou devient encore plus bonne. Chaque jour que je fais, je bois de la codéine comme un ivrogne. Chaque jour que je fais, je ne fais que penser à des grosses sommes. Là, c'est chaud. Chiche. Ok. Yeah. Chiche au microphone, disponible. Microphone disponible automne 2015. Nice. Ah, c'est chaud. Dark Brass, c'est comment? Ayant, je viens faire la diff. Je suis au microphone. Je viens faire la diff, va faire la queue. Faut du bif, faut bien que je mange un peu. Qui même me suit, viens pas de sauf qui peut. Tu vas fermer ta gueule, tu pas un type. Arrête tes menaces, moi j'ai pas ton âge. J'ai pas subi ce putain d'engrenage. On t'a prévenu, y'a pas de copinage. Donc prends tes clics, barre-toi des ménages. On fait du ménage. Ayant, c'est chiche. Je reprends le monopole. Petit sois réaliste, évite la zombie, retourne à l'école. Papa. Équipé salement, à chaque déplacement, ça finit malement. Je connais l'emprisonnement, très fort mentalement, appelle-moi l'allemand. Yo, rien que je claque, pour l'instant je suis dans l'anonymat. Mais négro, on fait pas de cinéma. Black, Jack, grosse feu bas. Va pas prendre des risques, reste sur le banc, non, ne fais pas de la merde. Va vendre tes disques, papa des chichis, tu veux pas d'emmerde. Y'a des mecs qui te tuent en deux minutes. Et personne n'a rien vu, mon ami. Tu l'as demandé dans le cul, on l'a mis. J'suis un vrai bonhomme qui rappe. Y'a plus de bonhomme qui rappe. Putain d'handicap. Bientôt chiche volume 1. Yo, on se revoit un de ces quatre. Les meilleurs partent en premier. J'crois que j'vais partir en dernier. Lâchant bien qu'on va chiffrer. Chiffre. Davidson avait dit. On y va. On va tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever, tous les achever. Aïe, je suis au microphone, là c'est chaud. T'as capté, chiché Marlo. On va tous les achever, négro. De gros. Freestyle. Aïe, chuchu, BG. Chiche et Marlo à l'instant en live. On vous a présenté Chiche, un petit mot quand même sur Marlo. Pareil, Marlo. Petite présentation, petit CV express de Marlo. Ouais, formel, ça va ou quoi? Formellement. Ça va et toi? Ouais, formel, on est là. C'est... Alors Marlo. Ceux qui ne connaissent pas Marlo. Marlo, il a rappé dans Lune de Fiel avec les MZ. Dans Voldemort avec les MZ. Et dernièrement, un clip qui est sorti lundi. Wesh les puristes. Ah ouais, et Marlo dit c'est franchement. Je suis flex. Non, t'arrête, ouais, en fait, c'est. Mais je vois que tu es flex. Non, tu me connais, c'est. Est-ce que en tu plus, as un secret d'ailleurs pour être flex? C'est. Codéine. Déjà, il y a de la codéine déjà dans tout ça, tu vois. Pareil, mais... consommer avec modération aussi. Ouais, avec modération. Avec beaucoup de modération d'ailleurs. Flex! Parce que si ça renflex comme ça. Non, tu sais, parce que toi, tu fumes pas ce que je fume. Non. C'est ça que je te dis. C'est un mec qui dit, gros. Et non, après, tu sais, Marlo. Dis-lui, dans ton joint, il y a que de la 8 dans ton blend. Ouais, là, il y a que du shit, mais il y a que de la 8 souvent, tu vois. Ouais, sinon Marlo, je fais pas. Là t'es grave, je suis en train de me marrer parce qu'en même temps je suis en train de chercher merde, qu'est-ce que je dois dire derrière, tu sais, pour calmer un peu le truc. Donc j'essaie de chercher une formule et tout, mais non, continue. On est flex. Tu sais, il y a un moment, il faut que j'ai parce qu'après il y a des écoutes, il y a le CSA, ouais, les mecs se disent oh là, ils tremblent, ils découvrent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que la weed, qu'est-ce que c'est que la weed. Donc j'essaie de chercher un petit truc derrière, mais non, tout va bien, continue. Hein. Ouais, toujours, et Marlo, il fait partie du collectif de la dictature. Présente, la dictature, tu vois. Et Marlo. Et bientôt, Marlo, il va sortir un projet aussi, qui sera vers automne 2015. Comme chiche. Avec quelqu'un, un mystérieux. Un mystérieux mec, il rigole grave là, un dans le coin. Un vengeur masqué. Un vengeur masqué, il va faire un projet en commun avec lui, il a formé un groupe avec lui. Il s'appelle ROC, tu vois, ça veut dire c'est le quartier, tu vois, Régno, c'est les rues Régno, Dîner et Chevaleret, tu vois, ça qui fait ROC. ROC Gang, tu vois. Et voilà. C'est donc c'est, ça, c'est automne 2015. Ça, c'est automne 2015, ouais, il y aura bientôt, t'inquiète, affaire à suivre. Affaire à suivre, il y a affaire de famille et affaire à suivre. Ouais. Bon, c'est tout, Marlo, c'est ouais, bien. C'est... Non, toi, flex, tu veux trop, laisse-moi me flexer. Écoute, je te laisse te flexer, dès que tu veux intervenir, n'hésite pas à n'importe quel moment. Avec la MZ entre 20h et 21h sur Skyrock. Le hashtag c'est MZ sur Skyrock. On met un morceau, l'inédit ou on a... Attends, on va peut-être attendre encore un petit peu l'inédit. On attend un peu. Ouais, mettons un autre titre. Je sais pas, peut-être les Wesh les puristes ou... Wesh les puristes. Ah, l'une de Fienne. On va le rebalancer. Vu qu'on est flex. On en parlait à l'instant. C'est... Ouais, Marlo. Ça c'est MZ featuring Marlo. Voilà. C'est un morceau très flex. Hein. Ouais, tu sais, en plus, dis-lui. Tu sais, sur cette musique, il s'est passé des choses. Ah, il s'est passé mais des pour choses. Qui, pour toi, Marlo? Ah, pour tous ceux ici, personne n'a une copine. C'est-à-dire que c'est tous ceux qui sont autour de cette. Tous, sans exception. Donc, sur cette musique, je suis sûr que toi, t'as déjà voulu essayer. Ouais, Fred, ouais, il a voulu essayer. Marlo a vu qu'on. Mais pourquoi j'ai voulu essayer, ça aurait pas marché avec moi. Mais pourquoi Pourquoi seulement j'ai voulu essayer quoi. Mais là on parle de flexance, je tiens à dédicacer Paris Cush Shop, Fifi, Alain. Franchement lourd ma substance, on se comprend. Si si, Momo, t'as capté tes PLS. Ah bah Momo il est de retour. Il est là Momo mon frère. Et bah voilà, salut Momo. Il est toujours là ma gueule. Il a des bouteilles, Et il est de retour avec un petit jus. Un petit jus qui nous vient des îles. On me dit dans l'oreillette, il a un jus qui arrache. D'ailleurs, on n'a qu'à revoir. Regarde Momo, on le voit qu'il est bien déjà. Il est bien déjà. Ah, il est flex aussi, hein, t'as vu, ouais, toujours. Tout le monde, il est flex. Et bah, on balance ce morceau, donc l'une de Fiel. Ouais, c'est bon, allez, Fab, c'est là. Allez, on peut le balancer. Frey, famille. N'oubliez pas de ce côté aussi, les gars. Hein. Regarde, ils se mettent bien de l'autre côté, carré VIP là-bas. Ah ouais. Non, Momo, il va faire ça bien. T'inquiète pas. Ici, affaire de famille, les 4 mai dans les bacs. De la zep, de la cheese dans la brochure. Des bad bitch très alléchants. Mes gars va se rendre désagréable. Ils croient ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiante. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. Je sais que tu kiffes pas la mytho. Fini de fumer ce putain de pédo. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le nœud que j'ai dans le dos. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste fumer. Ton crâne, une taille de jacquer. Dans mon délire, je suis foncé. Le voisinage t'entendra crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le dire dès que tu veux faire, tu sais. Baby, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant, on va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. On va juste fumer, teaser, baiser. Non, d'abord tu vas me branler. Et n'oublie même pas de me sucer. Ouais, Sindou, t'inquiète, tu vas kiffer. Ouais, je okay. Comment viens avec des copines. Je serai avec Joe et Pim. Sera du Sprite, de la codéine. On sera le meilleur coup de votre vie. Ouais, je bébé, vous serez plus en chaleur. Comment son grenage pour le rap, pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chaînes en loup. sera soupillable. Je sais que t'aimes sa coquine. Le 4 mai dans les putains de bacs, affaire de famille. Que tu raconteras à ta fille. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. Va juste faire de famille, c'est bien dans les bacs. Fumé, tisé, baisé. Qu'est-ce que t'attends? Wesh Mackenzie, c'est comment? Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant. Fumer, tiser, baiser. Je veux juste chicher, tiser, prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salope, poilie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Je te montre. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Oh, j'en sais Runo. Sûrement avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma faute. Bébé, je suis MBG Boy. Aïe, vite dans l'eau. Accroche-toi car le 7ème ciel n'est pas loin. Ce soir, soit ma 8 neige, pète ton beau bif, fume mon tison baison toute la nuit. Et cette nuit, comme la dernière de ta vie, mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville, je sens ton cœur qui bat vite. Tes paupières pas. Là, j'y présent, les bardels, Mike. T'es accro à ma, je suis ton héros. Thanos. Ce soir, rien ne sert de trop parler. Mikey. Moi jusqu'à l'overdose. Tout ce qui se passe dans cette piole reste dans cette piole. Le vrai négro fait vraie chose. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. Va juste fumer, tiser, baiser. Fumer, tiser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant, on va juste fumer, tiser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tiser, baiser. Bébé, je t'attends, non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant, on va juste fumer, tiser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Ouais, Cynthia, c'est comment? Aïe, Claire et Karine, c'est comment? Fumer, teaser, baiser, lune de fiel, c'est le nom de ce morceau de la MZ avec Marlo. Avec Marlo, vraiment. Toujours aussi. Au top de la flexitude, hein, ce morceau. Non, pas au top encore, t'inquiète même pas. T'as rien vu. Et on va saluer une entrée, il est derrière vous. Zoxy. Monsieur Zoxy qui vient d'arriver. Hello. Ça va bien? Ouais, super. En pleine forme, Zo? Ouais, en pleine forme. Tout roule content du taf de l'MZ sur cet album Affaires de Famille? Terrible. C'est vrai? Ouais, terrible. Rien acheté, tout à garder? Ouais, on va encore progresser de toute façon, mais c'est de la bombe. Tranquille. Ça sort lundi, bah peut-être qu'on en parle avec toi, tu repasseras peut-être demain dans l'émission entre 20 ou 21 ou tu restes là? Ouais, tranquille, on est là, on écoute depuis le début, de toute façon, on est là aussi. Très bien, ils sont calmes, tu les as calmés d'un seul coup. Oh, mais ça parle, on est polis. On est polis, Thierry, il y a le respect. Hein, vous êtes bien calme d'un seul coup. Oui, frère, quand quelqu'un parle, on. Hein, espérer, ça c'est ce qu'on appelle le espérer chez nous. Ça, c'est bah oui, frère. Arrête de croire qu'on est que des petits cons qui respectent personne. C'est pas vrai. Ah, t'es bizarre. Hein. Mais là, c'est un mytho là-dessus. Tu vois, regarde, un marabout. Voilà, bien fait. Hop, c'est fini. Tu vas renverser le verre. Eh, les gars, ils me respectent pas. Ils veulent pas que je finisse de parler. Vas-y, continue. Vas-y. Non, je rigole. Non, tranquille. On est là, frère. Et bon, on est là aussi entre 20 et 21. Et je crois que maintenant, il est grand temps de passer ce titre inédit. Ouais, 357. Donc, ça, c'est un morceau qu'on trouve sur Affaires de Famille. Affaires de Famille qui sort le 4 mai. Voilà. Là, j'attends tous vos messages avec le hashtag MZ sur Skyrock pour avoir les réactions. On va les lire après sur ce que vous pensez de ce morceau. On attend vos réactions. Une prod de G futuristique. Et... G futuristique fait partie des gens qui sont quand même installés au niveau des producteurs. Ouais, quand même. Très gros producteur qui a bossé avec des gens comme Rof notamment. Rof et tout, etc. C'est vrai. Et on a eu la chance qu'ils participent à notre affaire de famille en fait. Et ça a donné le morceau 357. Et bon, on l'écoute maintenant. Le morceau, ouais. Coup d'envoi. Coup d'envoi. MZ exclu 357. Oui.

Oh, mais mon sauce met à la côte là. Ah, j'ai l'impression. Ah, l'Arlequin. HP des mots, qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, nous on est là, nous on fait de la musique, nous. C'est le dodo du Beno. Le Planète Rap avec l'AMZ et ce titre inédit que vous retrouverez le 4 mai dans les bacs. À pas louper. Merci pour cette soirée une fois de plus. Merci à Marlo, à Chiche. Marlo, très gros freestyle ce soir. À tous les gens présents ce soir. Tu es toujours pas fumé? Ce que tu fumes là? Ouais. Non. Voilà. Je vais essayer de rentrer tranquillement à la maison. On se voit demain. Avant. Demain pour la dernière déjà de la semaine. Voilà, avant de te quitter, l'AMZ Affaires de Famille le 4 mai. Je tiens à dédicacer tous ceux qui sont présents ce soir. Merci aussi de nous avoir invités. Et bah bon jeudi soir. Et à demain. Et demain ce sera 1er mai, mais pas férié pour nous, hein, vous serez là demain. Ouais. À pas toujours. Louper. Ça bosse toujours. Avec la MZ. Ça bosse toujours. Même les jours fériés. Et juste avant de se dire vraiment au revoir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Skyrock. Tiens, une autre Chloé de La Rochelle, c'était. Chloé, ça va bien? Oui, ça va. C'est pas toi qui avais laissé le message pour manger Joker? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas la même Chloé. C'est une autre Chloé. Bienvenue, ça va, tout se passe bien? Oui, ça va très bien. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? C'est parti. Ouais. Ah, bah, c'est en famille? Chloé. Oui, avec ma mère. Avec maman. Eh ben Chloé, pour toi, la compile Planète Rap 2015 avec plein de morceaux inédits dessus et 60 euros en bon d'achat qui arrive du côté de La Rochelle. Super, merci. On te fait un bisou, passe une bonne soirée, Chloé. Ouais, Chloé, t'as une très belle voix. Fais gaffe, c'est maman derrière. Ouais, mais dédicace à ta maman aussi. D'accord. Qui a une très belle voix. Très belle voix aussi, franchement. C'est de mère en fille, en fait. Franchement, affaire de famille, c'est ça. C'est gentil. De rien. Merci Chloé. Ciao, passez une bonne soirée. Merci à l'AMZ, merci à Marlo, merci à Chiche, merci à, vous, merci à Davidson, merci à Zoxy qui est passé aussi faire un coucou ce soir dans l'émission. On est là. Et on se retrouve demain, un petit peu avant 20h pour la dernière. Voilà, pas de jour férié. Pas de jour férié, la on sera là. On travaille. Dur demain. Ah ouais, laisse tomber. Et là, on va retrouver celui qui travaille dur aussi, c'est Difool et toute l'équipe de la Radio Libre. Eh oui, Fred, yes. C'est de retour demain, même le 1er mai. Oui, ouais. Fou ça. Oui, sur un pays double. Oui, au moins. On a de la chance, Fred. Et l'autre qui pense à la bah, tout de suite. Hein. Ah bah, évidemment. Je dirais, comme d'hab, comme Big Flo et Oli, qui étaient les invités de Planète Rap la semaine dernière, et avec qui on va démarrer l'émission ce soir. Bonne idée. Big Flo et Oli pour démarrer cette soirée jusqu'à minuit. Et attention, une grosse soirée, puisque ce soir, il y a problème du mois. Ouais. Et un problème du mois avec Cédric qui est venu avec un déguisement pour faire mal à Romano. Voilà, t'inquiète. Cagule. Oui, on va en reparler. On va en reparler dans un instant. C'est parti pour la Radio Libre. Une grosse soirée qui nous attend. Bon, on parlera de plein de choses, mais on y revient tout de suite. Hein. La pub en super speed, Big Flo et Oli. Et vous tous jusqu'à minuit sur Skyrock. Ciao! Toute la journée sur Skyrock.